Saddam Hussein devrait, en principe, être jugé dans quelques jours, et on en saura un peu plus sur la totalité des crimes dont il est accusé. Mais le dictateur aura-t-il droit à un procès impartial, et n'aurait-il pas été préférable qu'il comparaisse devant un tribunal international, comme Milosevic par exemple? Et surtout, les magistrats réussiront-ils à démêler l'écheveau de complicité dont Saddam Hussein a bénéficié? Je veux ici parler des États et des grandes sociétés qui ont armé l'Irak et contribué à faire de ce pays un vaste camp de concentration où les forces de répression ont tué ou fait disparaître des centaines de milliers de personnes. Terrible bilan que recense un ouvrage collectif récent, le Livre noir de Saddam Hussein, préfacé par Bernard Kouchner. L'ancien ministre et cofondateur de Médecins sans frontières écrit en particulier, je le cite, « La première arme de destruction massive, ce fut Saddam Hussein. Pendant 35 ans, il s'acharna sur son propre peuple. On compte près de 500 000 disparus, kurdes, femmes et enfants pour la majorité d'entre eux. Plus de 4 500 villages ont été rasés. Les fosses communes sont innombrables. 4 millions d'exilés cherchent encore, en 2005, à regagner ce qui reste de leur foyer. On estime à 1,5 million les handicapés des guerres successives et des nombreux attentats, et à des centaines de milliers les chiites assassinés. » Oui, terrible bilan dont devra répondre Saddam Hussein devant ses juges irakiens. Et parmi tous ces crimes, l'utilisation de l'arme chimique, non seulement contre l'ennemi iranien, mais aussi contre son propre peuple. Cependant, encore une fois, les premiers responsables ne sont-ils pas ceux qui ont aidé Saddam Hussein à construire ce vaste arsenal? Toutefois, il y a peu de chances que le prochain procès fasse la lumière sur ce point. Monsieur X, lui, essaie d'y voir plus clair. Une précision d'abord. En abordant cette monstrueuse question des armes de destruction massive, je ne veux nullement justifier l'intervention états-unienne en Irak qui a été fondée sur un mensonge, tout le monde le sait. Alors qu'il y avait tant d'autres bonnes raisons de vouloir se débarrasser de Saddam Hussein. Mais si vous le voulez bien, j'y reviendrai dans un prochain entretien. Mais c'est entendu. On a souvent dit que les armes chimiques et bactériologiques étaient la bombe atomique du pauvre. Et c'est si vrai que Saddam Hussein a pensé à se doter massivement de ses armes après la destruction par Israël des installations nucléaires irakiennes. Le réacteur Osirak, c'est ça ? Une centrale construite en partenariat avec la France, grâce aux excellents rapports noués en 1975 entre le Premier ministre Jacques Chirac et Saddam Hussein. Si vous voulez mon avis, François Mitterrand, qui a appris le bombardement israélien peu après son élection à la présidence de la République, n'a pas dû être fâché. Parce que si un jour l'Irak arrivait à construire la bombe, ce serait sans la France. Eh oui, et qu'on pourrait donc s'en laver les mains. Bon. Toutefois, ça n'a pas empêché notre pays de continuer à fournir à Bagdad des quantités impressionnantes d'armes conventionnelles. Oui, bien. En même temps que l'URSS. Hein. C'est exact. Donc, après ce bombardement de l'Irak, Saddam Hussein sait qu'il se passera bien des années avant de pouvoir se doter un jour de l'arme atomique. Oui, c'est pour ça qu'il se tourne vers la fabrication d'autres armes. Chimiques et bactériologiques, oui. Des armes qui sont par ailleurs bien moins coûteuses et dont la fabrication peut être dissimulée dans des usines censées produire des insecticides, des pesticides ou des engrais. Un subterfuge qui ne pourra pas faire longtemps illusion en Irak. Car si ces installations sont vraiment destinées à produire pour l'agriculture, pourquoi les enfouir dans des bunkers souterrains et les faire protéger par des batteries de missiles, ouais, afin de faire échec à d'éventuels bombardements. Oui. Bon, j'ajoute que ces usines vont être construites au milieu d'immenses zones interdites et militarisées. Toute discrétion, donc. Oui, oui, car les conventions internationales signées après la guerre de 14-18 à Genève interdisent l'utilisation des gaz. Malgré tout, le fait que l'Irak se lance dans la production d'armes chimiques devient vite un secret de polichinelle. Ça n'empêche nullement les grandes puissances de continuer à livrer à Saddam Hussein des armes conventionnelles et à passer d'importants accords commerciaux. Oui, mais c'est à cause de la guerre Iran-Irak. Hein. Bien sûr. Saddam Hussein, qui a pris l'initiative de lancer son armée contre l'Iran, apparaît très vite comme étant un rempart contre le régime de l'ayatollah Khamenei. Et avant d'entrer en guerre, Saddam Hussein a même reçu un discret feu vert des États-Unis, ce qui permettra à tout le monde de fermer les yeux. Mais pourquoi cette attitude des États-Unis là, vis-à-vis d'un pays qui a quand même longtemps flirté avec la soviétique, hein? Le pétrole, évidemment. Le président Carter l'a dit sans embâche, dès 1980. Si un pays